Chapitre 30e, la condamnation. Théophile voulait absolument tenir Chrysostome en son pouvoir. Sa déposition eût été dès lors un fait accompli, devant lequel le servilisme moral, qui met la violence à la place du droit, se fût incliné alors comme à toutes les époques. Théophile envoya une seconde sommation à Chrysostome, mais cette fois ses messagers ne furent pas des évêques. Pour blesser plus profondément le patriarche, il confia cette mission à Eugénius et Florus. Tous deux avaient désiré être chargés de ce message, et Arsace avait appuyé leur demande pour humilier Chrysostome. Ces deux indignes prêtres se présentèrent donc à lui de la part de ses ennemis. Chrysostome leur dit tranquillement qu'il avait déjà fait connaître hier sa réponse. Comme d'une part il ne jugeait pas convenable de correspondre avec l'assemblée du chêne par de tels messagers, et que d'autre part il voulait montrer jusqu'au bout des dispositions humbles et conciliantes, il pria deux dignes évêques du concile de se rendre à Chalcédoine et d'y répéter les conditions auxquelles il consentait à paraître lui-même. Florus et Eugénius s'irritèrent de plus belle de la calme dignité avec laquelle le patriarche passait au-dessus de leur personnalité. Pendant que Florus se rendait auprès de Graphia, Eugénius retourna vers Théophile et annonça que l'entêtement orgueilleux de Chrysostome ne voulait pas plier. « Il refuse de comparaître, dit-il. » Bientôt après, les deux évêques envoyés par Chrysostome se présentèrent. Théophile refusa de les entendre. Outré de colère de voir son plan déjoué, il les fit charger des liens qu'il avait apprêtés pour leur patriarche. Arsace, Sévérian et d'autres ennemis de Chrysostome insistèrent pour qu'on le jugeât. Au même moment arriva un courrier impérial avec l'ordre de presser la conclusion de l'affaire afin d'arrêter l'excitation populaire. Pour avoir refusé de comparaître au tribunal de ses ennemis, Chrysostome fut déclaré par l'assemblée du chêne coupable de désobéissance envers ses supérieurs ecclésiastiques et indigne d'occuper le siège patriarchal. Les autres accusations furent passées sous silence, elles étaient désormais superflues. Cependant, dans l'adresse qui annonçait à l'empereur le jugement de déposition prononcé contre Chrysostome, on revint sur le crime de haute trahison et on demanda la condamnation à mort de ce grand coupable, peine que les évêques n'avaient pas mission d'ordonner. On envoya au clergé de la métropole et aux évêques étrangers présents à Constantinople des expéditions du jugement de l'assemblée du chêne. Chrysostome avait employé la journée à consoler et à calmer les fidèles. D'abord, il montait en chaire, et là, entouré de milliers d'auditeurs, il parlait du mépris du monde, de la vanité de ses joies et de ses peines, et des délices de la vie éternelle après le combat victorieux. Puis il allait à la sacristie pour donner à quelques personnes de bons avis et des conseils qu'il ne pourrait peut-être plus recevoir de lui. Ensuite, il retournait à son palais où tout un monde de pauvres, d'abandonnés, d'affligés l'appelait de leurs cris. Enfin, il visitait les hôpitaux, il revoyait ses malades qui ne voulaient ni se guérir, ni mourir sans avoir reçu une dernière fois sa bénédiction. À tous, il parlait de pieuse résignation en élevant le regard des tribulations du temps aux douces joies de l'éternité. L'agitation était extrême, dans un autre sens au palais impérial. C'était Eugraphia qui avait poussé l'impératrice à envoyer le courrier à Chalcédoine avec ordre de hâter la conclusion. Arsace avait retenu le courrier jusqu'après le prononcé du jugement. Il en donna la substance en deux lignes à Eugraphia et celle-ci à l'impératrice. Eudoxia fut donc instruite du résultat plus tôt qu'Arcadius. Et maintenant qu'elle tenait la décision dans les mains, car ce qu'elle conseillait l'empereur, il le faisait, Eudoxia s'effraya. « La peine de mort? Non, jamais » fit-elle. « Ce sera peut-être le plus sage, » dit Eugraphia. Un dissentiment pareil à celui qui nous occupe ne prend fin facilement que sur une tombe. Mais le sentiment combat la prudence. « L'exil dans quelque cloître d'Antioche, » dit Marsa, qui se trouvait aussi au palais, « le mettrait hors d'état de nuire sans le rendre malheureux, et vous donnerez, ô noble souveraine, une réputation de douceur plus grande encore que celle que vous méritez si bien. » La douceur serait une offense pour le concile du chêne, fit Eugraphia. La sévérité que Chrysostome a déployée contre les autres, qu'il la ressente lui-même. L'exil, je le veux bien, non pas à Antioche où il est connu, non pas dans un cloître où il a déjà vécu, mais dans les déserts les plus lointains de la Libye. C'est une tâche bien difficile à remplir en ce moment que de prendre les mesures convenables. Il faut entendre encore d'autres personnes, dit Eudoxia en proie à une grande inquiétude. Cela ne rendra pas la chose plus claire, dit Marsa, mécontente. Et la résolution n'en sera que plus difficile à prendre, ajouta Eugraphia. mais l'impératrice frappa dans ses mains. Aussitôt une de ses dames entra. « Aglaé, lui dit-elle, allez dire à Gunilde de venir. Elle est depuis le matin auprès de la diaconesse Olympia. Ordonnez-vous, madame, que je l'envoie chercher ?»« Non, cela serait trop long, dit l'impératrice avec abattement. Dites au grand chambellan que je veux lui parler. » Aglaé s'éloigna. « Les sentiments du grand chambellan sont si bien connus, dit Marsa, qu'il me semble que l'impératrice devrait s'épargner un entretien irritant. » Eugraphia garda le silence. Elle se disait « L'opposition du grand chambellan produira meilleur effet que nos exhortations. Je la connais. » Amansus parut. Il était pâle comme la mort et profondément ému. « Ah, vous savez déjà tout, fit Eudoxia. « Je ne sais que ce qui est connu de toute la ville, dit-il. « Eh bien, que savez-vous ? Demanda-t-elle d'une voix pénible. « Que la hache du bourreau est suspendue au-dessus de la tête sainte et vénérée du patriarche. « Non, la chose ne va pas aussi loin, fit-elle. « Pas encore, mais ses ennemis y tendent, et l'opinion générale les regarde comme très puissants. « L'impératrice est plus puissante qu'eux, dit-elle avec fierté. « Oh, puisse-t-elle se montrer dans tout son pouvoir ? Dit-il. Jamais elle n'aurait protégé une plus noble cause. Tout le monde n'est vraiment pas de ce sentiment, répondit-elle froidement. L'impératrice a raison, dit Amansus avec un profond respect dans le maintien et le ton de la voix. Ce sentiment n'est partagé que par ceux qui connaissent à fond le patriarche aussi bien que ses adversaires. Marsa et Eugraphia s'étaient retirés un peu à l'écart. Marsa tremblait de colère. Elle était toujours sur le point d'éclater contre Amansus. Mais Eugraphia la retint. « Chut !» lui dit-elle bas à l'oreille. « Il aura bientôt achevé de compromettre lui-même la noble cause. »« Votre dévouement à Chrysostome m'est connu, Amansus. »« Et je vous prends comme vous êtes, » dit l'impératrice. « Aussi, je suis loin de songer, en cette circonstance, à vous demander de quel côté est le bon droit, de quel côté est l'injustice. Sur ce point, je n'ai pas besoin d'éclaircissement. » « Seulement, je voudrais savoir quelle impression produirait sur le peuple fidèle l'exécution d'une sentence sévère. »« Il en éprouverait sans aucun doute une peine inexprimable, » dit Amansus. « Mais, noble souveraine, si vous savez avec certitude de quel côté est le bon droit, il ne peut s'agir de l'application d'une sentence sévère à l'égard de Chrysostome. » Plus le front de Doxia s'assombrissait, plus s'éclairait et rayonnait le visage des deux dames, ses confidentes. En présence d'une accusation de haute trahison, fit vivement l'impératrice, il est au moins téméraire de se hâter d'offrir sa caution. « Oh, que l'impératrice daigne m'agréer pour caution !» s'écria Amansus. « Je réponds sur ma tête que l'accusation de haute trahison n'a aucun fondement. Le patriarche est fidèle à son Dieu, fidèle à son Église, fidèle à son troupeau. Comment pourrait-il être traître à son souverain ? Sa vie entière proteste contre une pareille accusation. » Il a une grande vivacité naturelle, on le dit du moins, car en causant avec lui, on ne s'en aperçoit pas. Et ce tempérament passionné le pousse à des antipathies dont il ne peut maîtriser l'expression. Sous ce rapport, il a commis beaucoup de fautes. Il s'est laissé emporter envers la majesté impériale à des excès qui ont paru offensants, injurieux même pour elle à ses plus fidèles soutiens. Et si votre long dévouement à la maison impériale ne plaidait pas en votre faveur, je pourrais douter de vos propres sentiments en voyant la partialité aveugle que vous montrez en ce moment. « Le serviteur n'est pas au-dessus du maître, » répondit humblement Amansus. « Si l'impératrice doute de la fidélité du patriarche, je ne dois pas me plaindre qu'elle doute de la mienne. » « Je connais cet orgueil qui prend le nom d'humilité, » fit Eudoxia irritée. « Vous parlez comme parle Chrysostome, comme parle Gunilde. » « Comme parle le disciple ?» qui, en quelque circonstance qu'il se trouve, s'efforce de suivre et d'imiter son divin maître. Amansus fit cette réponse avec un grand calme. « Assez !» cria Eudoxia vivement impatientée. « Je connais cette phraséologie creuse. J'attendais de vous, de votre expérience, un indice, un mot qui pût m'éclairer. Je me trompais. Quant à votre profession de foi, je n'ai pas besoin de l'entendre. » Cela dit, elle se tourna vers les dames, ses confidentes. Amansus se retira profondément affligé. Dans l'antichambre, il rencontra Hylas qui lui remit une dépêche. Amansus jeta un regard triste sur ce document et retourna chez l'impératrice à laquelle il présenta cet écrit à genoux. « Ah, du concile, n'est-ce pas » dit-elle en pâlissant. « De Chalcédoine, répondit-il avec calme. Pour lui, l'assemblée du chêne n'était pas un concile régulier. Mais que pouvait-il dire de plus à l'impératrice dans son état d'irritation? La passion étouffait en elle toutes les inspirations de la raison et de la religion. Quand il se fut éloigné, elle resta immobile sur son siège, les yeux fixés sur la dépêche qu'elle tenait à la main sans l'ouvrir. Avez-vous remarqué sa protestation audacieuse contre le concile? Souffla Eugraphia à l'oreille de Marsa. Mais Marsa ne répondit rien. Elle observait avec attention l'attitude de l'impératrice. Tout d'un coup, Eudoxa se leva, passa la main sur son front pâle et soucieux et dit d'un ton résolu « Quelle folie de me tourmenter ainsi !»« C'est à l'empereur de décider, et non pas à moi. » »« Je vais lui remettre le jugement consigné dans ce message, en laissant sa sagesse le soin de décréter s'il convient de punir ou de faire grâce. Oh, comme cette résolution soulage mon cœur !» « Mais est-elle digne de l'impératrice ?» fit Marsa, qui ne pouvait dissimuler son orgueil. Eugraphia prit à son tour la parole. « L'empereur, dit-elle froidement, ne consultera que le principe de la charité. Il faut donc que l'impératrice soutienne les droits de la justice. »« C'est ce qui se fera, » répondit Eudoxia. Elle se rendit auprès de l'empereur. Comme on devait s'y attendre, Arcadius s'éleva hautement contre l'accusation de haute trahison. Il dit avec beaucoup de bon sens « La légèreté avec laquelle on a lancé, sans fondement, une aussi grave accusation contre le patriarche, porte à croire que les autres accusations ne sont pas plus sérieuses. Je ne sanctionne donc pas la sentence, et j'accède au désir de Chrysostome, qui demande que ses adversaires n'assistent que comme accusateurs, et non comme juges au concile où doivent être examinées les plaintes dirigées contre lui. Certainement, cher époux, dit Eudoxia avec la douceur et l'amabilité qu'elle conservait toujours en présence d'Arcadius. Le punir de mort serait coupable, l'exilé serait cruel. D'un autre côté, il me semble que des hommes aussi remarquables que le patriarche d'Alexandrie, l'évêque de Gabala et notre vénérable Arsace, l'archiprêtre de Constantinople, méritent qu'on ait égard à leur sentiment qui s'est exprimé dans ce verdict. Votre amour pour la justice serait-il d'un autre avis? Oh non, assurément non, dit Arcadius, tout de suite déconcerté par cette objection. Seulement, reprit Eudoxia, il faudrait leur donner raison dans les formes les plus douces, n'est-ce pas? Les plus douces possibles, et cela m'est encore bien pénible, soupira Arcadius. Oh, digne fils d'une sainte mère, fit Eudoxia d'une voix caressante, chacun sait que Flacilla cherchera toujours à recommander à Théodose la plus grande douceur, et en vérité, elle est ici tout à fait nécessaire, car le peuple croyant mérite qu'on tienne compte de son amour, quoique exagéré, pour le patriarche. Je suis d'accord avec vous sur ce point comme sur les autres. Seulement, je ne vois pas ce qui nous reste à faire au milieu de toutes ces exigences opposées. Voici, je crois, ce qu'il convient que l'empereur fasse. Confirmer simplement la déposition de Chrysostome sans se prononcer sur aucune des accusations portées contre lui. Et s'il était tout à fait innocent, fit Arcadius d'un ton inquiet. Il ne l'est pas, dit Eudoxia avec son sourire le plus engageant. Une grande partie de son clergé, la partie la moins ascétique, lui est tout à fait opposée. Cela prouve que Chrysostome manque d'indulgence. Et en ce cas, il n'est pas innocent, ou qu'il manque de l'habileté nécessaire pour conduire et employer les hommes. Fragile postérité d'Adam. Et cela montre qu'il est incapable d'occuper le poste éminent auquel il a été élevé. Adoptons ce dernier point de vue, ô mon empereur bien-aimé. Cela rend son éloignement amiable nécessaire, sans porter atteinte à son caractère. Car son influence sur le clergé est loin d'être salutaire. Celui qui demande trop des hommes les indispose et les détourne de faire même ce qu'il ferait avec moins d'exigence. Cela est triste à dire, mais telle est la faible nature humaine, elle ne peut subir une contrainte excessive. Arcadius reposa son regard sur la belle avocate de la faiblesse humaine aux yeux brillants, aux lèvres roses comme le corail, et il fut persuadé de la justesse de ses vues. Toutefois, sa conscience défaillante n'était pas rassurée. « Que deviendra le patriarche si je confirme sa déposition ? » demanda-t-elle avec inquiétude. « Donnez-lui sa pleine liberté, et comme l'oiseau qui se sauve joyeusement de sa cage, Chrysostome s'envolera pour aller vivre en solitaire dans un cloître ou en anachorète dans quelque grotte du désert. » Arcadius se rendit. Sans admettre le crime de trahison, l'empereur confirma la sentence de déposition prononcée par l'assemblée du chêne et la fit notifier aussitôt au patriarche avec ordre de quitter la ville sur le champ. Chrysostome avait parlé de nouveau aux fidèles réunis à Sainte-Sophie. Il les avait exhortés à ne pas perdre de vue que la vie de l'homme ici-bas n'est qu'un pèlerinage et à ne pas se laisser enchaîner au monde par des considérations temporelles. C'était le soir. Fatigué des travaux de cette rude journée, Chrysostome s'était retiré dans sa pauvre chambre pour se recueillir devant Dieu dans le calme et la solitude pour former son cœur à la résignation aux très saintes volontés du ciel. Bientôt, des cris plaintifs se firent entendre dehors. Le diacre Sérapion entra tout troublé et tomba aux pieds du patriarche. « Les gémissements du peuple vous annoncent, ô Saint-Père, que l'officier d'ordonnance de l'empereur vient pour... » Sérapion n'en put dire davantage, il fondit en larmes. « Pour me mettre en liberté, » répondit Chrysostome, « recevons-le comme le messager d'une grande grâce. » Une foule de clercs suivirent de près Sérapion et entourèrent le patriarche. Le peuple envahissait le palais, on eut peine à le retenir. L'officier fut effrayé de cette agitation, car les flots de la multitude l'environnaient comme une mer en furie. Alors Sérapion, envoyé par le patriarche, se montra au milieu du tumulte et conduisit l'envoyé impérial dans le palais où Chrysostome, entouré de la partie fidèle de son clergé et des évêques étrangers, l'attendait dans la grande salle. L'officier lui donna communication du jugement prononcé contre lui et de la sanction impériale. Chrysostome écouta avec calme et répondit qu'il ne pouvait obéir qu'à un concile régulier et qu'un ordre impérial ne suffisait pas pour le séparer de son église. L'officier s'éloigna, et aussitôt après arriva une troupe de prétoriens. Ils entourèrent le patriarche avec beaucoup de respect et le conduisirent à travers la foule muette de douleur jusqu'au port, où il fut embarqué sur un bateau qui bientôt le déroba à tous les regards. Qu'allait-il devenir? Où l'emmenait-on? Ces questions que chacun se posait dans le doute et l'inquiétude restèrent sans réponse, et l'obscurité de la nuit s'étendit sur le Bosphore.